Digga, Digga. A lot of beat. Oh. Hey, yeah. Oh, prendre un petit peu de mon esprit, l'emporter ailleurs, ici, maintenant. Follow you. Thank you. nocturne vulgaire. Inspiration, Arthur Rimbaud. Inspiration, un autre temps, mais sensations les mêmes. Un autre temps, mais les sentiments les mêmes. Veillée nocturne. Des phrases déphasées, peut-être. Vie, conte, parade, enfance. Sombre sentiment.